Cette image, moi j'ai connu plutôt les photos officielles qui sont été accrochées dans les murs d'office à Sarajevo, à la mairie, un petit peu partout, que j'ai photographié avant la guerre, et après pendant la guerre je les photographie aussi, mais cette fois détruites avec les mêmes armes avec qui il a gardé son pouvoir. Thank you. Boulogne-Billancourt, allée Ahmed Bouguera El Wafi. Bon, déjà, Ahmed, il ne s'appelle pas Ahmed. Il s'appelait El Wafi. El Wafi, c'est son prénom. Marathonien, médaillé d'or des Jeux Olympiques de 1928. une autre histoire qui m'avait beaucoup marqué également. À la sortie de la messe, le secrétaire de mairie réunissait chaque dimanche les gens du village pour leur raconter ce qu'ils appelaient à l'époque les bannis, pour raconter ce qui se passait dans le village. Un dimanche, il y avait à côté de lui un conseiller municipal qui était lui. Il finit son discours et le conseiller municipal monte sur une petite marche qu'il y avait en élévation afin qu'on le voie bien et lui dit « Écoutez donc, moi j'ai une histoire à vous raconter. Connaissez-vous la différence qu'il y a entre un boche et une hirondelle ?» Apparemment, personne n'avait l'air de le savoir. Mais dis-moi, je vais vous le raconter. Quand un boche vient en France et qu'il fait des petits, quand il s'en va, il les laisse sur place, alors qu'une hirondelle, quand elle fait des petits en France et qu'elle s'en va, elle les emmène. J'ai eu honte, terriblement honte. Come on! Cette année-là, j'avais 18 ans, je venais de passer le bac, je m'étais interrogé sur quoi faire pour l'avenir, un avenir un peu différent, pas classique. Donc je suis un peu parti à l'aventure dans une école militaire. Donc le premier jour dans cette école, on se sent un petit peu perdu, mais tout se passe normalement avec les formalités administratives, on nous donne des affaires, on passe à la visite médicale. Le lieu était plutôt sympa, ça se présentait comme un campus universitaire plutôt accueillant. Et tout au long de cette journée, on était accompagnés par les redoublants de la première année qui nous disaient où aller, quoi faire. Et le soir, donc on doit se retrouver dans le hall général. Et c'est là qu'on voit arriver une tripotée d'anciens en uniforme de parade officiel. Et là, naïveté sans doute de ma part, je m'y attendais pas, mais on comprend qu'il va y avoir un bizutage. Great days in the base. What you meant to do? Meant to do. De rouge dense comme des marches de lave. Rouge dense comme des marches de lave pour nous réunir là. Nous réunir avant d'avoir à effectuer les passages. Raise the land, Los Angeles River. De paradoxes, c'est le pays des paradoxes. Le divan a été vandalisé, il a été volé. Et ça, c'est la spécificité du pays. Hein. Ça a longtemps été un produit d'importation. On ne connaît pas beaucoup de théoriciens de la psychanalyse dans le monde arabe. Il y en a deux ou trois, mais effectivement, les échanges étaient nécessaires et les invités étaient systématiquement étrangers. Ils venaient de la France, venaient du Brésil, venaient de Turquie, venaient d'autres pays où la psychanalyse est en bonne santé relativement, j'insiste. Quand la psychanalyse au Liban a atteint l'âge de l'adolescence, il y a eu quand même une petite révolte dans le sens où des jeunes analystes en formation commençaient un peu à questionner ce besoin de systématiquement importer des psychanalystes étrangers non libanais pour former des libanais. Donc on est arrivé à un moment où on parlait d'être colonisé, on ne veut plus être colonisé, ça suffit, on est majeur, on est vraiment rentré dans ce langage, vraiment. Et c'était percutant quelque part parce que ça voulait dire aussi que peut-être on se sentait suffisamment solide pour continuer seul, ou entre nous, entre guillemets.

Che nuovi ragazzi lo fronte nella strada, quale futuro per nuove generazioni che sul dal tempo di chi sa gestire il mal. La marea siamo in questa città, che la marea sei tu che Italia. La marea siamo in questa città, che la marea sei tu che Italia. Antoine de Saint-Exupéry, 1900 Lyon, 1944 au large de Marseille. Love me. c'est sur le programme. On a un candidat qui est un candidat qui représente aujourd'hui les idées de la gauche. Et la raison pour laquelle j'avais soutenu François Hollande en 2012, c'était comme candidat du Parti Socialiste avec un certain nombre d'engagements que malheureusement il n'a pas tenu au cours de ce quinquennat, avec d'ailleurs une part de responsabilité dans ses promesses non tenues de son conseiller d'alors et futur ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Et du coup, aujourd'hui, c'est vrai que ce candidat-là, c'est le seul qui va dans cette campagne présidentielle avec des idées véritablement nouvelles dont on va discuter, que ça soit le revenu universel d'existence, que ça soit un traité de démocratisation de la zone euro. Et je trouvais que c'était une partie de notre travail et responsabilité comme universitaire, non seulement de signer ce que malheureusement on a été trop nombreux à faire, je trouve, un chèque en blanc, comme on l'avait fait à François Hollande avant l'élection de 2012, mais de mettre les mains dans le cambouis et de travailler sur le programme en prenant cette fois-ci de vrais engagements précis pour les Français. Thank you. America's number one cash flow expert, television's consumer advocate of wealth and better living. Keep the TV screen clean. There's far too much vice. He's the scum of the earth. He's the worst fucking scum I have ever seen. It's too much murder. Stay tuned. It's too much violence. And there's too much fornication. Diabolical, revolting, or totally forbidden. The public must be protected from too much sex on television. Sadomasochistic scenes, rape scenes, offensive abuse, masochistic scenes, rape scenes. There's an absolute ban on the following. dann greife ich schon nach meinem Revolver. Au départ de cette série, il y a une exposition qui a 80 ans, à Munich, en juillet 1937. Elle va circuler 4 ans en Allemagne. Il y a ce que les nazis ont appelé l'art dégénéré, un art stigmatisé, jugé malade, qui peut s'enorgueillir d'avoir été visé. Cubisme, expressionnisme, abstraction, surréalisme, dadaïsme. Il y a aussi une autre exposition, en miroir, en même temps, de l'autre côté de la rue, celle d'un art allemand idéalisé, pur et figuratif. Alors face au mépris institué, il faut faire l'effort d'ausculter la relation du nazisme à l'art. Explorer les trafics, le vol, la spoliation, la sélection, la destruction et cohabiter avec ce vocabulaire meurtri. solicitor and all the hell's come from rules. I read and keep some notes of nothing cold. And pointing well and feeling up a glass tray. No walking party church with the same old news to the opposite services. Exploitation of this mind is worse. People want fireworks of office curves, and he lays and finds his eye. Thank you. say a lot of protect all the children, a lot of help each other out. Well, I've got a gun, I've got a knife, I've got a gun, I've got a knife. Shoot, stab, cut, cut, cut, cut, cut, cut. Toujours, quand mon père rentrait, tout était prêt pour le dîner, écrira Jacques Prévert. Mais il n'arrivait jamais à l'heure, et même quelquefois pas du tout. Son père, André, allait ainsi teinter son enfance de quelques inattendus, dont une menace de suicide. Pour autant, dans Choses et autres, il avoue, ça se voyait que mes parents s'aimaient beaucoup. Lui, il sera furtivement employé au bon marché, ami des surréalistes, et s'engagera dans le groupe Octobre. En 1930, il devient, comme il l'indique, rempailleur de films avec son frère Pierre. L'affaire est dans le sac, drôle de drame, Les Enfants du Paradis ou Les Portes de la Nuit marquent son engagement de poète dans le champ du cinéma, notamment avec Marcel Carné, durant 10 ans. And it embodies everything we have talked about. It's summed up in one word, aloha. Fuck it! I need a cigarette! I need a bag of ice! I need some high in the kit! And a boombox bumping out some real hood shit! And some Bacalolo! Ground loco! What about you? Are we too local? Are we too local? Are we too vocal? When you're on the beach reading some book that you bought, remember, you're on my rock! fuck up. C'est la première fois en 2017 qu'un candidat à l'élection présidentielle propose de sortir de l'Union européenne. François Asselineau en a fait sa marque de fabrique. Il est, dit-il, le seul candidat du Frexit. Contraction à la mode entre le nom d'un pays membre et le terme « sortie » en anglais. Alors contrairement au Royaume-Uni, le candidat de l'UPR, jusqu'alors inconnu, ne propose pas de faire décider le peuple. S'il est élu, adieu l'Europe, un point c'est tout. Alors il y a peu de risques de faire mentir les sondages en prédisant que François Asselineau ne sera pas le prochain locataire de l'Élysée. Toutefois, sa qualification comme candidat témoigne d'une certaine sensibilité de l'opinion à la question. Il faut dire que le rapport des Français à l'Europe ne va pas en s'améliorant avec les années. La crise de l'euro est passée par là, mais les racines pourraient être plus profondes. Il y a 12 ans, le 29 mai 2005, les Français votaient non au référendum sur le traité constitutionnel européen. Ce rejet fit apparaître une fracture, jusqu'alors ignorée. L'Europe n'était pas pour tous signe de progrès et de protection. 2 ans, un nouveau texte et quelques référendums plus tard, l'Europe se dotait tout de même d'un traité pour consolider ses acquis. Une trahison pour les nonistes, le début du divorce pour certains. Alors le non de 2005 sera-t-il entendu en 2017 ?